heures de riff qui tue, de guitare qui éclate et de tempo qui déchire. Soyez les bienvenus sur le 105 de Radio Quartz. Et oui, c'est exceptionnellement un mercredi que l'on se retrouve, période de fête oblige. Jusque 23h, c'est Metal Zone. Alors, je vous ai proposé cette semaine une petite rétrospective de l'année 2006 avec les albums que vous avez le plus entendus et que nous avons le plus aimés sur le 105 de Radio Quartz. Des albums de métal, bien entendu. Et je vous propose de commencer tout de suite le programme avec un extrait de l'album de Dionysus, le dernier album en date, Fairy Tales and Reality. Voici Illusion of Life. Oui, je... Nowhere to hide, you can't get out. avons commencé cette rétrospective 2006 avec Dionysus et l'album Fairy Tales and Reality. On s'est écouté le morceau Illusion of Life. Et puis, on va passer à un groupe que vous avez découvert il y a quelque temps, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, sur le 105 de Radio Corse dans Metal Zone, avec The Answer et leur album Rise. On va s'écouter le morceau Under the Sky. ACDC, Thin Lizzy et Black Sabbath, ça se ressent quand même un peu dans leur musique. Il s'agit des Irlandais de The Answer. On s'est écouté un extrait de leur album Rise, Under the Sky. Et on va passer à une autre sortie de 2006. Il s'agit de Dark at Dawn, avec leur tout premier album, sobrement intitulé Dark at Dawn. Vous en avez souvent entendu parler aussi, entre autres avec ce morceau, The Alliance. l'instant, c'était donc Dark at Dawn avec un extrait de leur tout premier album sobrement intitulé Dark at Dawn. On s'est écouté le morceau The Alliance. Et puis, il y a eu aussi un fabuleux album qui est sorti en 2006. Il s'agit de Burden of Truth. Bien entendu, vous aurez reconnu Circle to Circle, le groupe de Zach Stevens, ancien Savatage. Et on va s'écouter le morceau Revelations. Que c'est une rétrospective de l'année 2006 dans Metal Zone ce soir. Pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude de nous entendre à 7h, et bien d'habitude l'émission se déroule le dimanche de 20 à 23h, mais fête oblige, on va pas quand même passer Metal Zone en plein milieu des réveillons. Alors on a décidé de décaler un petit peu la programmation de l'émission. C'est aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite sur le 105 de Radio Quartz, et vous écoutiez Circle to Circle, donc, avec un extrait de leur super album Burden of Truth. Et on s'est écouté le morceau Revelations. On continue avec Reckless Tide et leur album Hellraiser. Celui-là aussi, on vous en a beaucoup parlé, et entre autres de ce morceau House of Cards. poussez le volume, augmentez les basses. Vos voisins ne seront pas déçus. C'est un maximum. Un maximum sur Radio Quartz. Vous êtes toujours sur le 105.2 Radio Quartz jusque 23h. Exceptionnellement, ce mercredi 27 décembre, eh bien, c'est Metal Zone. Et dans l'ordre, on s'écoutait Restless Tide avec un extrait de leur album Eraser. On s'écoutait House of Cards. Et à l'instant, c'était extrait du terrible album Tyrant de Damnation. On s'écoutait Embodiment of Destruction. Je vous rappelle aussi que c'est quand même une rétrospective 2006. Donc, on réécoute en fait les albums qu'on a le plus passé sur antenne, que vous avez le plus apprécié et que nous aussi, on aime vraiment bien. Le choix était très, très, très difficile, je vous le cache pas. Entre autres pour cet album que moi j'apprécie, certains ne l'aiment pas, enfin bref, il s'agit de Bury Your Dead, extrait donc de ce nouvel album Beauty and the Breakdown, voici A Glass Sleeper. Extrait de leur excellent album Beauty and the Breakdown. On s'écoutait Bury Your Dead avec l'extrait A Glass Sleeper. Et puis on va continuer avec Frontside. On reste dans le très violent quand même. Twilight of the Gods. Sous-intitulé cet album A First Step in the Mental Revolution. Voici Hurricane. Oh, Extrait de leur album Twilight of the Gods. C'était Frontside avec le morceau Hurricane. Et puis un autre album qu'on vous a beaucoup beaucoup passé dans Metal Zone. En 2006, il s'agit du dernier album de Before the Dawn. Before the Dawn qui nous a sorti The Ghost. Et on s'écoute ce soir Black Dawn. Extrait de l'excellentissime The Ghost de Before the Dawn, bien entendu. On s'écoutait Black Dawn. On va revenir en Belgique avec After All. Et oui, After All a sorti un nouvel album en 2006 intitulé This Violent Decline. Et je vous propose d'écouter Sacraments for the Damned. C'était After All avec Sacraments for the Damned, extrait de l'album This Violent Decline. Red Key à présent, Rage of Fire, c'est un album qu'on vous a aussi souvent passé parce qu'il est excellent, on l'aime bien. Et je vais vous passer ce soir le morceau Metalhead. nous sommes écoutés Red Key avec Metalhead, extrait de leur album Rage of Fire. Et à l'instant, c'était Crocus avec un extrait de leur album Hellraiser. On s'est écouté Angel of My Dreams, Manigance, le groupe français à présent, L'Ombre et la Lumière, c'est le titre de leur dernier album. On sait, on vous l'a passé comme une nouveauté il n'y a pas très très longtemps, il est quand même sorti au mois de juillet, ben oui, quand même, et nous on l'a reçu seulement maintenant, et bien donc on vous en repasse un extrait, il s'intitule cet extrait, Prédateur. À partir du 1er janvier sur Radio Quartz, ça va changer. Tous les renseignements sur le site radioquartz.be. Radioquartz.be. Radio Quartz FM 105. Cuisine et cinéma. Sina est en vente exclusive au Carrefour du Doc à Sombref. Téléphone 071 88 64 44. Xina vous donne l'heure. Xina. À chacun son rythme. Radio Quartz, il est 21h. Extrait de l'excellentissime dernier album en date d'Hélice. Il s'agit de Griffshire. On s'est écouté Remember the Promise. Oui. Comment ça se retarde déjà. Allez, on va continuer avec un album là. Franchement, si vous l'aimez pas, c'est à se demander quoi, parce qu'il est vraiment excellent. Il s'agit du 0.05% de Scorn Green. On vous l'a passé en long, en large, en travers. Et on va s'écouter ce morceau vraiment fantastique qui s'intitule Ubermensch. Oscar Green à l'instant avec un extrait de leur album 0.05%. On s'est écouté Ubermensch. On continue avec Kaiser. Là aussi, un super bon album. Frame the World Hanging on the Wall. On vous l'a passé souvent aussi. Et on va se réécouter un extrait ce soir. Not Dead Yet. C'était Kaiser avec Not Dead Yet, extrait de leur album Frame the World, Hanging on the Wall. On va passer à The Black Maria à présent. Petit retour du côté du mois de mai avec A Shared History of Tragedy, c'est le titre de leur album. Et on va s'écouter Nothing Comes Easy But You. Yeah. always miss you. You will always have a place inside my heart. Black Maria avec Nothing Comes, Easy But You, extrait de leur album A Shared History of Tragedy. Allez, on va continuer avec All Feather, aussi un album que l'on aimait bien et qu'on nous a passé souvent. At least we will die together. Eh bien, on va s'écouter Born to Serve. Alors, dans l'ordre, on s'est écouté Alfeder avec un extrait donc de leur dernier album At Least, We Will Die Together. Et on s'est écouté le morceau Born to Serve. Et à l'instant, c'était Suffocation, les Américains, avec un extrait de leur album tout simplement intitulé Suffocation. On s'est écouté Abomination Reborn. Et on va continuer avec Halo of Shadows, extrait de leur excellent album Manifesto. Voici la plage titulaire. Thank you. Dans l'ordre, on s'écoutait Hello Shadows avec un extrait de leur album Manifesto. On s'est écouté La Plage Titulaire. Et à l'instant, c'était Scars of Tomorrow avec The Feller is Drowning. Eh bien, on s'écoutait aussi La Plage Titulaire. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Non, si je rigole, mais ce sont d'excellents morceaux. Phasma présent, Antebellum, Death and Roll. Ça aussi, c'est un album que l'on aime bien et qu'on vous a présenté souvent. Et on va s'écouter le morceau Hunger. C'était donc Phasm avec leur album Antebellum, Death and Roll. On s'est écouté le morceau Hunger. Et puis on va passer à Draconian. Draconian qui nous a sorti cette année un superbe album intitulé The Burning Halo. Eh bien, je vous propose d'écouter Serenade of Sorrow. We'll be right back. Vous êtes toujours sur le 105 de Radio Quartz. Jusque 23h, c'est Metal Zone. Et bon, certains, ceux qui prennent l'émission en cours, eh bien, vont être étonnés de nous entendre à cette heure-ci. Ce jour-ci, eh bien oui, d'habitude, l'émission, c'est le dimanche 20-23h. Mais on a changé, vu que les réveillons tombaient un dimanche. On va quand même pas passer Metal Zone un dimanche. Donc, on a postposé les émissions au mercredi. Merci d'ailleurs à... Eh bien, la direction de la radio d'avoir permis ce petit tour de magie. On vient de s'écouter Volbeat, extrait de leur maxi CD I Only Wanna Be With You, qui était une reprise, bien entendu. Une reprise qui était chantée en français par Richard Anthony. Comme ça, vous savez tout. Allez, on va continuer avec un des albums que nous avons vraiment bien aimé en 2006. Je vous rappelle donc, c'est une rétrospective 2006. Première partie, la semaine prochaine, ça sera la suite. Tourette Syndrome, Sixth Sense, super album. On s'écoute le morceau Glad. I'm glad that you were not at home tonight. When I had my fragility. I'm wishing that you were, but there was only me. For you not seeing, being ungrateful. À l'instant, c'était donc Tourette's Syndrome avec un extrait de leur album Six Sense. On s'est écouté le morceau Glad Winger à présent. Vous savez qu'après un long temps de silence, il nous est revenu avec Reb Beach à la guitare et un nouvel album intitulé Four. Voici Short Flight to Mexico. C'était Winger avec un extrait de son album Four. On s'écoutait Short Flight to Mexico. Bis à présent. Ah, ça c'était l'un des albums de la semaine il n'y a pas très longtemps. Quel album ! Extinction, c'est le titre de celui-ci, bis que l'on retrouve donc avec le morceau Run for Your Life. À partir du 1er janvier sur Radio Quartz, ça va changer. Tous les renseignements sur le site radioquartz.be. Radioquartz.be. Radio Quartz FM 105. Cuisine Itinéraire. Ixina est en vente exclusive au Carrefour du Doc à Sombref. Téléphone 071 88 64 44. Ixina vous donne l'heure. Ixina. À chacun son rythme. Radio Quartz, il est 22h. Kiss, donc avec Run For Your Life, extrait de leur album Extinction. Et on va continuer avec un album, là, moi je suis fou de ce disque, The Fall of an Empire, je suis fou de ce groupe, il s'agit de Fairyland. Allez, on va s'écouter Eldani où elle est. Was a time ça fait du bien, ce genre de bon morceau. Fairyland, extrait donc de leur nouvel album The Fall of an Empire. On s'écoutait Eldani Welle. Allez, on va passer à quelque chose qui est sorti vraiment tout début 2006. Allen et Land. Il s'agit bien entendu de Russell Allen de Symphonix et de John Land, qui est officier quand même dans Masterplan, qui a quitté le groupe depuis. Ils avaient sorti un album ensemble qui était tout à fait phénoménal. Il s'intitulait The Battle et je vous propose d'écouter le morceau d'introduction intitulé sobrement The Battle. Écoutez ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Dans l'ordre, on s'écoutait donc Alan Land, donc, eh bien, avec leur morceau de... Blablabla, j'y arriverai, ça y est, je suis un peu perdu, voilà, j'ai retrouvé. Donc, c'était Alan et Land, John Land, avec Another Battle, extrait de leur album The Battle. À noter que John Land va sortir carrément ce mois de janvier deux albums. Eh bien, oui, vous êtes gâtés. Et si vous voulez déjà avoir en avant-première une petite idée, eh bien, vous pouvez aller sur le site de l'émission. Voilà, vous allez sur le site www.radioquartz.be et là vous cliquez sur l'icône Metal Zone et vous allez arriver et dans les chroniques, eh bien, il y a deux nouveaux albums de John Land. Comme ça vous savez tout. Et à l'instant, c'était Adagio avec Fire Forever, extrait de leur album Dominate. Chid Empire, à l'instant, Intoxicate OS, voici un extrait de cet album, Rat in a Maze. Why you make l'instant, c'était Synchromine. Non, ben non. Shed Empire, à l'instant donc. Avec un extrait de leur album Intoxicate OS, on s'écoutait Rat in a Maze. Et maintenant, ça va être Synchronomica. Avec Gate, dernier album en date. Excellent album aussi. Unleashed from Ancient Science. C'est le titre que je vous propose là, maintenant, tout de suite. Get my head down, Synchronomica à l'instant donc, avec un extrait de leur album Gate. On s'est écouté Unleashed from Ancient Chains. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis, bien un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent via le site internet de la radio www.radioquartz.be. J'espère que ça vous plaît. Et puis nous, on va continuer avec Shatter Messiah. Shatter Messiah qui nous a sorti courant 2006 un album intitulé Never to Play the Servant. Et on va s'écouter le morceau Bad Blood. C'était Shatter Messiah avec un extrait de leur album Never to Play the Servant. On s'est écouté Bad Blood. Et puis je vous propose d'écouter Benighted. Benighted qui nous a sorti groupe de Grimcore, qui nous a sorti un album franchement dévastateur, on va dire ça comme ça. Identisick, c'est le titre de celui-ci. Et je vous propose bien d'écouter tout de suite Ransack the Soul. We'll be right back. Benighted, donc à l'instant, avec un extrait de leur album Identisic. On s'écoutait Ransack the Soul, Obscenity à présent, Where Sinners Bleed. Eh bien, on va s'écouter la plage titulaire, Where Sinners Bleed. C'était Obscenity avec Where Sinners Bleed, extrait de l'album qui porte le même titre. Et puis, ben, voilà, c'est déjà l'heure du dernier morceau. Vous allez me dire, il est fou, il reste 20 minutes. Eh bien oui, eh ben, vous vous en doutez, hein, ce que je vais vous passer, un des morceaux cultes de l'émission qui dure 32 minutes. Non, on va pas s'écouter les 32 minutes, bien entendu, mais une bonne vingtaine. Il s'agit de The Seer, avec les Canadiens de The Seer, avec leur fameux album concept Exist. Eh bien, je vous propose d'écouter ça jusque 22h. On se donne rendez-vous jusque 23h, oui, pardon, excusez-moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pas dimanche, mais mercredi, 20-23h. Et puis, voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. De CR avec Exist, tout de suite sur le 105 de Radio Quartz. À la semaine prochaine, bye. Et puis, d'ici là, bien entendu, passez un bon réveillon. Et puis, une bonne année. On peut même se dire, non pas à la semaine prochaine, mais à l'année prochaine. C'est fou quand même, hein. Ah, ce que la vie est bien faite. Allez, à la semaine prochaine.